Yaga, yaga, yo. Le renard, Gizou, Jou, bang, bang. Y et W, c'est moi qui bang, bang. Qu'est-ce qu'elles veulent de moi? Qu'est-ce qu'elles veulent de moi? Qu'est-ce qu'elles veulent de moi? Je sais pas ce qu'elles veulent de moi. Qu'est-ce qu'elles veulent de moi? Qu'est-ce qu'elles veulent de moi? Qu'est-ce qu'elles veulent de moi? Je sais pas ce qu'elles veulent de moi. Ma baby mama, ma baby mama. Oh, ma baby mama, ma baby mama. Oh, ma baby mama, ma baby mama. Oh, ma baby mama, ma baby mama. J'suis avec mon joint et puis mon survêt dans le Benz. Elle m'a épousé même si elle savait que j'étais gangs. Une belle africaine, mais le qui c'est French. J'ai réservé une table et j'ai enfilé mon train. Pourquoi tu veux d'un voyou? Parce que tu sais que j'suis loyal. Parce que je paye le loyer, parce que j'fais pas la mara. Et tes copines sont jalouses, elles savent que j't'emmène en voyage. Je ne vends plus le caillou, maintenant on a de la caillade. Avant c'était la mayo, maintenant on mange du caviar. Quand on part en vacances, on choisit que les palaces. Mais j'aime trop la fraise. Et j'aime trop ma tête. Un passat tout noir, putain, j'aime trop ma caisse. Je traîne dans la rue et je vis comme un OG. J'ai dormi dans la cave, je te dis que tout est possible. J'ai niqué des fils de pute et ils m'ont niqué aussi. Grandi dans un univers crapuleux et hostile. Qu'est-ce qu'elles veulent de moi? Qu'est-ce qu'elles veulent de moi? Qu'est-ce qu'elles veulent de moi? Je sais pas ce qu'elles veulent de moi. Qu'est-ce qu'elles veulent de moi? Qu'est-ce qu'elles veulent de moi? Qu'est-ce qu'elles veulent de moi? Je sais pas ce qu'elles veulent de moi. Ma baby mama, my baby mama, oh my baby mama, my baby mama, oh my baby mama, my baby mama, oh my baby mama, my baby mama. Dans ma tête c'est la West Side. J'fume un pet, j'te dis yes I. Parle pas trop dans les messages. Et j'deviens agressif si tu mets du temps à payer. Il me doit du temps, il me doit du bif et moi j'dois payer le loyer. Et puis j'ai fait des trucs de ouf, des fois quand fallait crailler. Il m'avait proposé de la schnouf, il m'a dit tu vas mailler. J'avais un petit chagrin, dans la bière je l'ai noyé. Et dans le manque d'argent j'ai toujours fait ce qu'il fallait. J'ai dit à ma mère t'inquiète pas, j'vais réussir. J'fais pas du rap pour diviser, j'fais du rap pour réunir. J'fais la fête avec mes gangsters, on est posé au resto. Avant j'volais des fiestas, maintenant je mange du pesto. J'ai grandi comme un gangsta, tous tes potos menesco. J'suis précis comme Iniesta, j'suis violent comme Jevchenko. Qu'est-ce qu'elles veulent de moi? Qu'est-ce qu'elles veulent de moi? Qu'est-ce qu'elles veulent de moi? Je sais pas ce qu'elles veulent de moi. Qu'est-ce qu'elles veulent de moi? Qu'est-ce qu'elles veulent de moi? Qu'est-ce qu'elles veulent de moi? Je sais pas ce qu'elles veulent de moi. Ma baby mama, ma baby mama, oh ma